Je marche sur la plage. Le ciel est bleu. Ouais, de nos jours, le temps passe trop vite, tu comprends. On ne donne pas assez de temps à profiter de la vie qui passe. Ouais, la nuit fait plus froid que dedans. Je représente le East Side. Mon père, mon frère, mon chien et mon hamster. Respect à ma grand-mère, ouais. Tu sais quoi? Non. Ta gueule. Le temps d'une pause. Je représente mon papa, pompier à Paris. Pompier à Paris. Le temps d'une prose. Ouais, je représente mon papa, pompier à Paris. De nos jours, il se passe tant de choses. Mais pourtant, le temps me paraît si morose. Quelle en est la cause? Quelle en est la clause? Telle est la question que je me pose. Le temps d'une pause. Je représente mon papa, pompier à Paris. Pompier à Paris. Le temps d'une prose. Ouais, je représente mon papa, pompier à Paris. Le temps d'une pause. Je représente mon papa, pompier à Paris. Pompier à Paris. Le temps d'une prose. Ouais, je représente mon papa, pompier à Paris. Faut faire quelque chose, j'en ai ma dose. Je frise la névrose, oh j'explose. À force qu'on me gave, j'ai de la cellulose. Certains préfèrent opérer sans narcose. Moi je m'expose et ose au plus haut de mon apothéose crier halt. Il faut faire une pause, il faut que je me repose. Tout le monde m'applause. Merci, on est trop bon. Oui, arrêtez, vous allez nous faire rougir. Non, ça va pas. Prendre le temps de voir les fleurs qui éclosent. Prendre le temps de boire et d'avoir une si rose. Tout n'est pas noir, la vie est si rose. La vie est si belle que de prose, ça s'arrose. Le temps d'une pause. Je représente mon papa, pompier à Paris. Pompier à Paris. Le temps d'une prose. Ouais, je représente mon papa, pompier à Paris. Le temps d'une pause. Je représente mon papa, pompier à Paris. Pompier à Paris. Le temps d'une prose. Ouais, je représente mon papa, pompier à Paris. Le temps d'une pause. Je représente mon papa, pompier à Paris. Pompier à Paris. Le temps d'une prose. Ouais, je représente mon papa, pompier à Paris. Le temps d'une pause. Je représente mon papa, pompier à Paris. Pompier à Paris. Le temps d'une pause.